est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Que des futilités, y'a plus de liquide, les poches sont séchées. Ils vantent leur péché, putain quelle humilité. J'éclate un gros star et je me tape des grosses barres. Coupe le gâteau qu'on partage des grosses parts. J'attends la fin du cauchemar, le diable s'habille en costard. Je me gratte pas les... Je vérifie si j'ai mon poster. L'avenir appartient à ceux qui se couchent tard. Yeah, il me faut une force pour mes vieux. Mais je me réveille les poches vides avec des poches sous les yeux, hein. Alors je remplis mes poches, mon ventre et mon bosser. Je le fais pour ceux qui se sentent concernés, qui savent qu'ils se font berner, qui veulent plus concerner. Yeah, yeah. Tu fais la pute, après tu fais l'agressive. Fais pas la bête, tu sais même pas tes Brésils. Tu sais pas t'exprimer, tu bégayes quand tu parles ça grésille. Ouais, tu parles mal en cul. Je maille, je 5 étoiles comme le Brésil. Yeah. Ok, ok, ta vie paraît belle. Bienvenue dans la matrice. Et bloqué, bloqué, tu peux pas séparer d'elle. Sortez de la matrice, je paye mes additions, je réduis les addictions. Quelle affliction, ils sont dans la fiction et ils sont très bizarres. Mais très vite j'ai vu leur vrai visage dans la vraie vie. Yeah, yeah. Ok, ok, ta vie paraît belle. Sortez de la matrice, yeah, yeah. Oh, et l'écolement, l'histoire est plus dure que tout ce que j'ai appris. L'Afrique est en guerre pour la richesse que l'Europe lui a prise. Même à l'intérieur, le passé laisse des cicatrices. Et j'ouvre ma gueule même si ma tête est mise à prier. Ok, ok, ta vie paraît belle. Bienvenue dans la matrice. Et je psychote trop sans mes psychotropes. Je suis ni trop tech ni trop soft. Ah si j'avais le blé de Microsoft. Ah si j'avais le blé de Microsoft. T'as à reconnaître tes torts, tes faiblesses. Même si la vérité blesse. C'est impossible que je rate la fête. Impossible que je rate la fête. C'est impossible que je rate la fête. Impossible que je rate la fête. Le mensonge te fait contempler le sol. La vérité te gratte la tête. Yeah, yeah. Oh. Ok, ok, ta vie paraît belle. Bienvenue dans la matrice. Bloqué, bloqué, tu peux pas séparer d'elle. Et sortir de la matrice, yeah, yeah.